J'ai décidé d'en parler, c'est pas l'omerta. Dans ma vie, je fais que stagner, toujours au même stade. Faut que je fasse l'effort, mec. Ouais. Mais je te parle de ça, pécho, bec. Frère, ma gueule peut-être qu'un jour, tu verras plus flow. L'avenir dans la musique, non, j'y crois plus trop. Pourtant, ça charbonne, j'inquiète la daronne. J'me fais du mal, j't'en fais aussi que le ciel me pardonne. J'ai passé des années, des années, des années à gratter des pages et des pages et des pages. À rappeler des galères, à flinguer mon passé. Nos amis sont partis, on finit dépassés. On avance seul, donc j'abandonne mes fautes, mes peurs, je suis mal sans drogue. On avance seul, donc j'abandonne mes fautes, mes peurs, je suis mal sans drogue. On avance seul, donc j'abandonne mes fautes, mes peurs, je suis mal sans drogue. Ça fait des années qu'on est dans ce délire. Je veux avancer mais je reste en stand-by. Peu importe si on vend des disques, on finira tous dans des planches en bois. Quand t'es perdu, que c'est dur et que t'avances seul, pense à relever la tête. Souvent tu seras déçu, c'est sûr. Tente de laisser passer l'affaire. Je respire mais y'a pas assez d'air. Je me sens seul et perdu dans l'univers. Elle m'en veut parce que j'ai fermé mon cœur. Et moi j'avais peur donc j'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux pour ne pas voir ma vie. Regrets s'accumulent, je flotte dans ma bulle. Je reste avec eux, quoi qu'il arrive. Ce soir on va boire en regardant la lune. Non non je ne veux pas faire partie de leur monde. Viens on décolle, fermez les écoutilles. J'aime pas leur code, je veux plus les écouter. Je comprends que dalle même avec les sous-titres. Et là je suis sous-tease. Même si c'est dépassé, de façon je les emmerde. Le temps m'a tout pris, je regrette le passé. J'ai passé des années, des années, des années à gratter des pages et des pages et des pages. À rapper des galères, à flinguer mon passé. Nos amis sont partis, on finit dépassés. On avance seul, donc j'abandonne mes fautes, mes peurs, je suis mal sans drogue. On avance seul, donc j'abandonne mes fautes, mes peurs, je suis mal sans drogue. On avance seul, ou j'abandonne, mes fautes, mes peurs, je suis mal sans drogue. Percer sans talent, j'ai dérivé, j'ai stagné. Seul dans mon salon, j'ai vu filer les années. Parti pour briller, voir les flammes danser. J'ai bousillé ma santé, j'ai oublié d'avancer. Je perds la boule, recherche la perle rare. Je rappe dans ma tête, j'ai des sales pensées, frère. Serre une coupe, on fait la fête ce soir. On prend le large, j'ai besoin de changer d'air. Partir faire du son, besoin de rien ni personne. Dans mes rêves les plus sombres, j'entends sa voix qui résonne. J'ai passé des années, des années, des années à gratter des pages, des pages, des pages. À rapper des galères, à flinguer mon passé. Nos amis sont partis, on finit dépassés. On avance seul, donc j'abandonne mes fautes, mes peurs, je suis mal sans drogue. On avance seul, donc j'abandonne mes fautes, mes peurs, je suis mal sans drogue. On avance seul, donc j'abandonne mes fautes, mes peurs, je suis mal sans drogue.